D'accord, c'est vrai que ces derniers temps, je sentais une lourdeur en fait, hein, sur mon corps, tout ça, et j'en avais marre de tout. Enfin, quelque chose m'assaillait. Enfin, j'avais marre de tout. Oui, mais tu as dit que tout va bien, non? Que tout allait bien, donc comme tout va bien. Enfin, dans les songes, oui, mais c'est mon état, comment je me sentais comme si j'avais trop de problèmes qui venaient en même temps. Et puis, je me disais, j'ai arrêté mon travail, je n'arrive pas à assurer le travail, enfin, ça devenait trop de choses. Donc, c'est dans l'esprit, donc, c'est dans les songes que ça se passe, que cette opération s'est passée. C'est la répercussion que tu as d'expliquer là maintenant. D'accord, ma soeur. Ah, ok. Que le Seigneur, okay. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Bon, nous parlons de l'enlèvement. Nous parlons de l'enlèvement aujourd'hui. La France dans la sainteté, bon dimanche et à dimanche, n'est-ce pas? Amen. Merci. Qu'est-ce qu'on dit? Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Pas parti, frère. Comment? Amen. On n'est pas parti. Vous ne voulez pas partir. Pourtant, il faut que je travaille avec la Côte d'Ivoire. L'univers est dans ta main. Comment, ma soeur? Éternel est ton nom. C'est Kelly, tu me parlais. Oui, je disais, bon, avec tout ça là, est-ce que je peux avoir une prière en fait? Oui, oui, on va prier pour toi après. D'accord. Oui. La soeur Paul. Oui, frère Junior, je. Toute la semaine, j'ai suivi les enseignements sur les réalités. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que quand je suivais les enseignements, je ressentais comme si on me donnait des poids et comme s'il y avait un poids qui se posait sur ma poitrine, dont une pression dont j'étais terrifiée pendant au moins 3 jours. Et quand je tenais mon téléphone, je tremblais. Donc je ne sais pas c'est quoi cette sensation-là. Ça ne dépose pas sur le poids. C'est la révélation de ce qui est toujours à l'intérieur par rapport à un temps. D'accord, ma soeur? De toute façon, le poids n'a même pas pu te tuer. Satan est jusqu'à ce dimanche, donc ça ne peut rien te faire, d'accord? Nous avons la victoire. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon dimanche. Amen. Bon dimanche à Miri Chatillon. Bon dimanche. Oui. Frère Junior. Oui, le frère Mamadou. Je peux te voir après Anne et la soeur Kelly, d'accord? Après Anne, la soeur Kelly. D'accord. Après, d'accord, ça marche. Anne, les femmes d'abord, n'est-ce pas? Tu es une gentleman. D'accord. Anne. D'accord. Soeur Kelly. Okay, et puis maintenant, la soeur de Madame Achille. D'accord, mon frère? D'accord, mon frère. Tu remplis les cieux de main. Nos mains sont levées. Nous voulons célébrer, t'adorer. Et te célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux à demain. Même tous les temps, je suis à toi. Toi, je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta bouillie. Réjouir au cœur de ta bonté, oh Adonai, à la fontaine de nos âmes, et du vrai bonheur, tous les jours, Adonai, je viendrai devant toi pour recevoir, Adonai, pour toujours savoir, au traiteur, on vient me Adonai, et Seigneur, coulez-nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous renfloue. Quoi? C'est aussi ça? Je reçois ça. 06 33 73 34 25. 06 33 73 34 25. Tu veux, je t'envoie ça par message. Comme ça, si tu veux. 73. 34. 06. 33. 73. 34. 25.